Le premier acte de cette tragédie se déroule de nuit à Venise. Quoique fâché de n'avoir pas reçu d'Othello, général mort au service de Venise, le grade souhaité, celui de lieutenant, attribué à Cassio, un Florentin efféminé, Iago explique à un gentilhomme vénitien, Roderigo, pourquoi il reste aux ordres et au service d'Othello. Je n'y reste que pour servir mes projets sur lui. Nous ne pouvons pas tous être les maîtres, et les maîtres ne peuvent pas tous être fidèlement servis. Il en est qui, tout en affectant les formes et les visages du dévouement, gardent dans leur cœur la préoccupation d'eux-mêmes, et qui, ne jetant à leur seigneur que des semblants de dévouement, prospèrent à ses dépens, puis, une fois leurs habits bien garnis, se font hommage à eux-mêmes. Ces gaillards-là ont quelques cœurs, et je suis de leur nombre, je le confesse. En effet, seigneur, aussi vrai que vous êtes Roderigo, si j'étais le mort, je ne voudrais pas être Iago. En le servant, je ne sers que moi-même. Ce n'est, le ciel est mes témoins, ni l'amour, ni le devoir qui me font agir, mais, sous leur dehors, mon intérêt personnel.